بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في الدرس الماضي ماذا أخذنا؟ المد أكد المد بس المد ستو une précision med en milieu وسط الكلمة au milieu de nous. طيب c'est quoi la خلاصة؟ المد عبارة عن ألف وصلة وحمزة ويجعل هذا الألف مع الحمزة في شرط يكون ليس ألف الاثنين والكثير يعني أن يكون حمزة يعني حقه أن يكتب على الألف حمزة كتبه ألف نعم يضغم إلى ألف واحد مع الوصف إلا إن كان يعني ألف اثنين نعم ألف الاثنين يعني المثنى هو ألف الاثنين يعني الفعل طيب الآن نأخذ الألف اللينة الألف اللينة يعني en fin de kitab on fera interrogation générale يعني الأسئلة là qui sont مكتوبة dans le kitab on en fera certaines d'entre elles inshallah فأنت راجع راجع دليمين ستكون مراجع عامة في آخر الكتاب inshallah طيب الألف اللينة قال تعرفها هي الألف الساكنة التي قبلها فتحة وتنشأ عن إجباع الفتحة نحو السماء والعلا وقام وفتاك ورمى طيب تصل الألف اللينة سي ألف كساكن تصل ألف جوغ ساكن بريسيدي دان حرف مفتوح طيب ثم قال كم دو مثلا السماء في آخر كلمة العلا في آخر كلمة قام في وسط الكلمة فتاك كذلك هكذا مواضعها تقع في وسط الكلمة وآخرها ولا يبدأ بها لكونها ساكنة ولا تخوف ألف لينة ديبي فنمو d'accord et là en début de mot car c'est un حرف كي ساكن et en langue arabe on commence par un حرف ساكن كيفية رسمها comment on s'écrit الألف parce que des fois souvent les gens ne savent pas est-ce qu'on écrit le ألف en forme de bâton comme l'ألف عادي ou en forme de ya donc là tu vas apprendre quel moment قال الألف المتوسطة en milieu de mot عادي مطلقا لا ترسم إلا ألفا Le alif en milieu de mot ne s'écrit que en la forme d'un alif, en la forme de bâton. Nehu asa. Afouen. Alifen asa. Nehu qala. Dama. Ba'a. Amirun. Wa nehu fataka. Wa mawalaya. Wa ilama. Wa hattama. Donc là tu vois, dans tous ces mots-là, le alif s'écrit asa, en bâton. Ce qui est en milieu de mot. Hada ma fi shay. Al alifu mutatarrifa, en fin de mot. لها صورتان ترسم ألفا عصا أي على صورة الألف ومتوية أي على صورة الياء donc on a deux formes ceux qui ont fin de mot le ألف qui ont fin de mot soit il s'écrit en عصا soit il s'écrit en forme de ياء الألف يعلمك كيف تميز comment tu sais cela quand c'est un forme de ياء ou quand c'est un forme de ألف عادي قال وإليك التفصيل وإليك التفصيل Awalen, il va te parler maintenant dans les hurufs, c'est comment, dans les asma, c'est comment, dans les afail, c'est comment. Car tous ils prennent des alif. Maintenant, il va différencier entre eux. Al-huruf, yani huruf al-ma'ani. Huruf al-ma'ani. C'est quoi le huruf al-ma'ani? On a pris. C'est les hurufs qui ont un sens. Et l'autre question, c'est quoi? Huruf al-ma'ani. C'est comme alif, ba'ta, fa, jim, ha, kha, ila, khiri. Donc là, il parle dans les hurufs. Comment on écrit le alif dans les hurufs? Quand on a tout le samou bil alif al-asa, nahu, ala, wa illa, wa amma, wa halla, ولولا ولوما وكلا وخلا وعدا وحاشا. Ils écrivent tous en alif. Asa. D'accord ? Et on a dit à Khilaf dans Khala, Ada, Wahasha. Ça peut être aussi dit Afal. Kala, illa arba'atan ou arba'ata ahroufin. Sauf quatre lettres. Il y a quatre ahrouf, c'est écrit avec le alif, forme de ya. Tout simplement, matouya. A dit l'alif, en forme de ya, ça s'appelle alif matouya. On est plié. فإنها تلسم بالألف المتوية وهي إلى حرف جر إلى على فرص سنعليف على فرم دوية على كذلك حتى كذلك وبلا بلا حرف جواب كل تليز أبقينا استفهام نافي مثلا تقول أليس قد جاء زيد سكو زيد لبا جابلو تفجع خوك بريبونس تفجع بلا معنى أنفا aussi. D'accord ? Maintenant, na'am, lakin, elle se reprend dans une interrogation sous forme de négation. N'est-ce pas ceci ? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, مثلاً, en dehors du Coran, on pose la question, tu vas dire, bala. Mais dans le Coran, tu le dis pas à ce moment-là, bila shak. Parce qu'en a, ils ont fait la bid'a, quand ils lisent le verset, dans la salat, ils disent, bala. Wa aza kol lisa la'i dalil. Donc il est ou ala ou hatta ou bala pour que tu aies alif matouya. Pour preuve, quand on dit il est, quand on accroche un damir, qu'est-ce qui se passe? Le alif transformant ilayhi et ala kadhalik, t'akoul alayhi l'enqalib ya'an. طيب ثم يقول بعض الحروف الاسماء المبنية الاسماء qui sont مبنية ترسم بالالف العصا نحو cela est écrit avec le alif asa comme ana damir wana wadha wama hadi ma al mawsoula ou autre madha mahma huna ism ishara طيب اسم مبنيه الاصل تكتب بالالف المتويه الا خمسه كلمات فانها ترسم بالالف المتويه. Il y a cinq exceptions à la règle. Waya, anna, wa mata, wa lada, bimana inda, ladaika kaza, wa ladaika kaza, wa oula, isma l'ishara, wa al oula, isma usul, bimana al-lazina. Fadi les khamsa, ces cinq-là, s'écrivent avec le alif matouya. Anna, quand même, mata, lada, أولى كي هي اسم إشارة والأولى كي هي اسم موصول تمام لغاست كلها بألف عصا en bâton. ثالثا الأسماء الأعجمية لنون العرب ترسم بالألف العصا كذلك لنون العرب كي فينسي كان ألف ونذكر كان ألف عصا bâton نحو بغاء وببغاء و زليجا او زليخا وموسيقى وسوريا وروسيا وطنطا وشبرا حتى مثلا فرنسا امريكا اندونيسيا افريقيا تتوزنون نعب على فيس كريفتوس avec quoi الفاصا بريطانيا المانيا ايطاليا tous ces pays là et autres. قال بس الاسماء جميه c'est pas forcément des noms de pays hein. Ça peut être le nom de quelqu'un également. Qala illa khamsa asma. Illa khamsa asma. Il y a cinq qui font exception à la règle. Fayna tulsamu bi alif al-matouya. Cinq qui font exception à la règle. Wahia Moussa. Moussa s'écrit avec alif matouya. C'est un isme arjami. Isa. Tamam. Bukhara. Isme mekan. C'est là que vient l'imam Bukhari. C'est en Asie. Naam. Wa Kisra. Kazalik. Ismaken. Et Matta. Matta huwa Abu Yunus. Al-Nabi. Kama kala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La yakul ahadukum ana khayrun bi min Yunus ibn Matta. Matta c'est ism Abi Yunus. النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ces cinq noms-là, qui sont des noms arjami, s'écrivent avec Alif Matouya. Il y en a d'autres, mais il y a des règles pour les autres. Comme ça y est, Inch'Allah. طيب رابعا الاسماء والافعال الزائده على ثلاثه احرف ce qui est plus qu'un thulathi plus de 3 lettres nom et verbe à plus de 3 lettres tout simplement bi alif al matwiya nahou celle-ci c'est ce qu'elle ces mots là s'écrit avec le alif matwiya nahou mustafa tatra sughra kubra سلمى أذارى أغنى زكى آوى لبى آخى اهتدى استغنى طيب ça c'est les noms arabes et verbes de plus de 3 lettres si tu mets un alif à la fin c'est un alif ماذا matouya forme de ya تستثنى الاسماء والافعال المحسومه بالالف قبلها ياء فان تسمى بالالف العصا وذلك لكراهه اجتماع صوره اليائين طيب donc qu'est-ce qui fait exception à la règle c'est les noms et les verbes de plus de 3 lettres dont le alif est précédé de quoi d'un ya parce qu'on ne veut pas avoir de forme de ya d'affilée مثلا ثريا سجايا زوايا دنيا استحياء احياء هذه الكلمات الالف لعصا وقوع لسبب وجود الياء قبلها تنبيه كلمه يحيى اسم النبي والنبي يحيى Regarde bien, regarde. Là, il y a devant. Et pourtant, c'est écrit avec Alif Matouya. Donc, il y a la Qaïda. Expliquez pourquoi. Tout le samou bi Alif el Matouya. In kana el maqsoud biha el ism. Le prénom, si on veut le prénom Yahya, on écrit Alif Matouya. En forme de Ya. Wa tout le samou bi Alif el Asa. Yahya al Qaïda. In kana fi'lan mudali'an. Litamiyiz bain al ism wal fi'l. فهمت كيحيى ça peut être un prénom et ça peut être également le modulaire du fi'l d'un verbe qui veut dire yahya la yamutu fiha wa la yahya et il ne vit pas donc comment on différencie entre les deux mots le prénom yahya et le verbe ah comme hakaza le verbe si tu vois alif à la fin hada wa al fi'l si tu vois le ya matwiya forme de ya à la fin c'est le prénom d'accord طيب donc là on a pris maintenant les verbes de plus de 3 lettres et les mots de plus de 3 lettres قال خامسا الاسماء والافعال الثلاثيه ceux qui ont 3 lettres maintenant اولا il y a un تفصيل dans ces افعال dans ces اسماء اولا المنقلبه الفها عن واو ترسمو بالالف العصا ça c'est un truc qui revient au sarf faut apprendre le sarf pour comprendre pour appliquer cette règle là ces noms dont le alif à l'origine est un waou on l'écrit comment asa alif nahou al-asa مثلا asa lui-même ça qui avec un alif asa al-hija al-khuta al-zina al-ruba al-zura Ça, c'est parmi les asma. Tout s'écrit avec le alif, asa. Wa al-afa'il, nahu, bada, tala, ghaza, kasa, kaba, maha, laha, raba, zana, ou zaka, afwan. Naam. Donc cela s'écrit avec un asa. Quand l'origine c'est un waou. Qala thumma al-munqaliba alifuha an ya, ce dont l'origine c'est un ya. Tursamu bil alif matwiya. Parce qu'à la base, ce alif là, là, matouya, son origine c'est un ya. C'est ça l'asl. D'accord ? Nahu, al-fata, al-kura, al-huda, al-hasa. Ça c'est parmi les asma. C'est dans les af'al. Aba, baka, jara, masha, hada. ثم قال troisième point المنقلبة ألف واو عن واو ويا c'est dont l'origine c'est un واو ou un يا c'est le mot il a les احتمال les deux احتمال ça peut être un واو ou un يا يجوز les deux فهناك أسماء وأفعال يجوز رسمها بالألف العصا والألف المطوية لأنها جاءت بالواو وبالياء donc il y a des verbes et des mots طيب l'origine c'est un waw ou un ya on peut écrire les deux ou soit waw soit ya donc là à ce moment-là tu as le droit d'écrire le alif soit en asa ou soit en matwiya laka al amran nahu ad duha wa araha wa amalha tamam ça c'est parmi les asma ou les af'al nama saha kana sagha jasa Donc celui-là, tu peux mettre les deux. Même des fois, le mot zina, des fois, je le vois avec alif matouya, des fois, je le vois avec le asa. Des fois, je vois les deux. Pourtant, la base, c'est que c'est un ya. طيب, قال تنبيهات. Maintenant, on va savoir la chose. لمعرفة الواو والياء في الأسماء والأفعال الثلاثية تصرف الكلمات المشتبهة فيؤتى بالمثنى والجمع للأسماء منها أما الأفعال فيؤتى بالمضارع أو المصدر وتسند إلى ضمير المتكلم أو يرجع إلى كتب اللغة كتب الصرف والمعاجم Donc maintenant comment tu veux savoir ça Que c'est quoi l'origine? Est-ce que c'est un wa ou est-ce que c'est un ya? Dans même dans les afa, dans les asma. Tout simplement, dans les asma, tu regardes le mufanna. Dans les asma, mathalan, asa, quelle est asa? C'est quoi ce mufanna? C'est asawan. Donc ça veut dire que son origine du alif, c'est à quoi? Un waou. Ou des fois le jam, كذلك, le pluriel peut t'aider à savoir la chose. Selon Al-Fata, le jam c'est Fitiat. Tamam. Ou Fitien dans le Moussanna. Dans le Moussanna c'est Fitiat. Ou Fitien à fond. Ça prouve que quoi? Que le Alif, son origine c'est Aya. Comment you call? Al-Tasrir. والمثنى واظن الجم الجم يراد الاشياء اصولها اسم مصغر على وزن مثل فعيل كما تجد في الصرف un اسم مثنى et certaines formes de pluriel te ramènent le mot à son origine c'est quoi l'origine du mot d'accord ça t'aidera inchallah c'est une qaïda que tu verras plus tard j'ai un doute pour le pluriel en tout cas le مثنى et le تصغير t'aide à pouvoir définir les choses leur origine Et dans les af'al, comme on peut savoir, en regardant le fi'l mudari', مثلاً, jara, fi'l jara, c'est quoi son mudari' Yajri. Donc le alif, c'est quoi dans le mardi, c'est quoi son origine Aya. Ou alors tu peux mettre, dans le mardi, tu rajoutes damir, al-mutakallim, ou tel fa'il. Tu vas dire quoi Jaraytu, jarayta, jarayti. On se trouve que c'est quoi à la base Ya. Mathalan le fi'l raja espérer. C'est quoi son mudari? Raja yarju. Donc on l'écrit comment? Asa. Parce que son origine c'est un waou. Et dans le madi, c'est raja'tu. Raja'ti. Raja'ta. Tamam? Parce que des fois le masdar tu le montres pas. Donc soit tu vas trouver dans le masdar, soit tu vas trouver dans le fi'l mudari, ou soit tu vas trouver dans quoi dans le madi si tu l'attaches au damir. تمام هذا et quand tu sais vraiment pas comme à quoi là tu as lu les kutub al-lugha mon livre dans le dictionnaire. Ma'adha yabud min ta'alum ima sarf. Faut que tu connaisses le sarf pour pouvoir définir ces choses-là. Deuxième tambih. Al-ism ou al-fi'l al-thulathi yursamu bi alif matwiya. Idha kana al-harf al-awwal ou al-thani hamzat ou wawan. Wa la yunzaru ila aslihi. Ça, c'est une autre règle. Le thulathi. Faire thulathi, trois lettres. Qu'il soit ism ou fi'l. Si sa première lettre ou deuxième lettre sont un waw, alors sa troisième lettre, si c'est un alif, sera un alif matouya. À la toul. Directement. Et on n'a pas besoin de retrouver son origine. C'est automatique. Masalen, awa, aba, afon, awa ou hamza. Awa ou hamza. Si sa première lettre ou sa deuxième lettre sont un waw ou hamza et qui finit par un alif, son alif sera forcément un alif matouya. Comme awa, aba, ra'a, wa'a, awa, al-wara, al-hawa. Tamam? Ça, c'est automatique. C'est un yawa, ce moment donné, ça va être quoi? Ya'oui. Aba, c'est ya'ba. Aba, c'est Ya'ba, Mima Afkour. Ça reste en alif. Mais dans le mardi, c'est quoi? Abeitu. Donc son origine, c'est Aya. De toute façon, du simple fait que son premier lettre, sa première lettre, c'est un Hamza, et que c'est un trois lettres, et que sa dernière lettre, c'est un alif, ce sera forcément un alif, Matouya. Khalas, c'est une Qaïda. Thalithan, parmi les tambihat, les remarques, Al-Kalimat al-Makhtoumatu bil-Ya. تميز عن المختومة بالألف المتوية بوضع نقطتين تحت الياء وهذا هو المعمول به حاليا في المطابع نحو يجري يجرى يسري يسرى يسبي يسبى إلي إلى كما ندفرنسي entre ألف متوية et le ياء ألف متوية tout simplement en dehors du خط عثماني du Coran le ya on écrit comment avec deux points en dessous et le alif matouya il y a pas de point en dessous quand tu vois ça quand tu vois pas de point en dessous c'est que c'est un alif quand tu vois deux points en dessous c'est que c'est un ya mais dans le mushaf ça diffère attention des fois c'est il y a pas de point c'est un ya hmm ma falan même des fois tu as pas les deux points pourtant c'est un ya. Fais attention. Moi, on l'a dit, خط العثماني, خط المصحف, خاص به. لا يقاس عليه. مفهوم هذا? Donc là, on l'a appris, comment savoir, à la fin d'un mot, déjà au milieu du mot, le alif qui s'écrit, c'est forcément alif asa. En début de mot, on ne commence pas par l'ayina, parce que c'est un haf qui s'akin. Et en fin de mot, on a appris comment différencier, est-ce que c'est un alif en asa, en bâton, ou un alif en ya, matouya. Hada. مفهوم هذا? فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.